Chapitre 16e. On eut bien surpris Marthe en lui disant que, malgré son inquiétude et son chagrin, malgré sa surexcitation nerveuse, malgré sa frayeur vague au milieu de cette chambre sombre, elle s'endormirait sur son fauteuil. Ce fut cependant ce qui arriva. Mais la veille eût été moins fiévreuse et moins pénible pour elle. Quand elle sortit du cauchemar qui l'étouffait, elle se trouva plongée dans une profonde obscurité. Les bougies, arrivée à bout de la cire, s'était éteinte, et tout d'abord, elle ne sut pas où elle était. Que s'était-il passé? Pourquoi donc n'était-elle pas dans son lit? Le sentiment de la réalité lui revint vite, mais non le calme. Elle était haletante, et sans qu'elle sût pourquoi, elle pleurait. Elle écouta. Au milieu du silence, elle n'entendit que le murmure d'une fontaine qui coulait en face de l'autel. À tâtons, se cognant aux meubles et aux murailles, elle alla à la fenêtre, qu'elle ouvrit. L'aube blanchissait le ciel, une lumière jeune effleurait les toits des maisons, c'était le jour. Avec l'air et la lumière, son émotion s'apaisa, elle reprit possession d'elle-même, de sa raison et de sa volonté. Quand elle fut installée dans le wagon réservé aux dames seules, elle éprouva un véritable soulagement. Il lui sembla que le temps des épreuves et des difficultés dans son voyage était passé. Elle n'avait plus qu'à aller droit devant elle. Il était guère probable que sur cette ligne, elle rencontra quelqu'un qui la connut. Si on ne l'avait pas rejointe à Périgueux, elle devait croire qu'elle avait dépisté les recherches. Cependant, elle ne tarda pas à voir que toutes les difficultés auxquelles elle pouvait être exposée n'étaient point encore écartées de sa route. Le train qui part de Périgueux pour Agen à 5 heures du matin arrive en cette dernière ville à 10 heures. Et les voyageurs qui veulent continuer pour Toulouse doivent attendre le train de Bordeaux jusqu'à 11 heures et quelques minutes. S'il y a, pour les femmes qui voyagent seules, des compartiments spéciaux, il n'y a pas dans les stations des salles d'attente qui leur soient exclusivement réservées. En arrivant à Agen, les deux seuls voyageurs de première classe étaient Marthe et un sous-lieutenant de hussards. On leur ouvrit la salle d'attente en les prévenant qu'ils pouvaient aller au buffet, ils avaient 1 heure pour déjeuner. Marthe n'avait pas fait attention au compagnon de voyage que le hasard lui imposait, mais en le voyant s'asseoir vis-à-vis d'elle, il la regardait d'une façon gênante, elle se dit qu'elle serait mieux au buffet que dans cette salle déserte. Elle alla donc au buffet, et se plaçant dans un coin, elle demanda une tasse de chocolat. Elle était à peine installée que le sous-lieutenant vint se placer à la table qui était à côté de la sienne et commanda son déjeuner. Au lieu de se mettre dans le même sens qu'elle, il s'était mis vis-à-vis, et il avait recommencé à la regarder. Marthe ne pouvait pas lever les yeux sans trouver ceux de cet officier sur elle. Cela devenait embarrassant et exaspérant. Si une femme se sent mal à l'aise sous des regards qui la poursuivent, combien plus mal à l'aise encore se trouve la jeune fille, qui pour la première fois est exposée à cette obsession, sans avoir personne près d'elle pour la défendre. En réfléchissant longuement à son plan de conduite pendant ce voyage, Marthe s'était imposé le devoir d'être brave et de ne pas s'arrêter ou s'intimider devant les dangers qu'elle pourrait rencontrer. Le moment était venu de mettre en pratique cette belle résolution. Elle ne devait point se laisser troubler par cet officier, elle devait lui faire sentir qu'il était insolent. Elle releva donc les yeux et les fixa sur lui. Mais la dignité et le dédain qu'elle mit dans son regard ne produisirent pas l'effet qu'elle avait espéré. L'officier ne sentit pas son insolence et au lieu de se déconcerter et de se décourager, il répondit au coup d'œil indigné de Marthe par un sourire. Sa bouche entr'ouverte montra ses dents blanches. C'était un fort beau garçon qui, par malheur pour lui, connaissait trop bien sa beauté et se croyait irrésistible. Tout, dans son attitude élégante et dans son assurance, disait la bonne opinion qu'il avait de lui-même. C'était le type de l'homme heureux, content de lui, content des autres, trouvant tout charmant dans la vie et ne doutant de rien. Marthe, n'osant pas renouveler la tentative qu'il avait si mal réussie, pensa à abandonner la place et à se réfugier dans la salle d'attente. Le sous-lieutenant avait commandé un copieux déjeuner. Il ne le sacrifierait pas pour la suivre. Elle souhaita donc d'avaler son chocolat. Mais bien qu'elle tînt ses yeux plongés dans sa tasse, elle vit l'officier se pencher vers elle. « Mon Dieu, madame, dit-il d'une voix caressante, je crois que vous avez tort de vous brûler. Si, comme je le présume, vous prenez la ligne de 7, nous avons 1 heure devant nous. » Marthe inclina la tête sans répondre et sans regarder son interlocuteur. Mais il ne se tint pas pour battu. « Vous pouvez déjeuner tranquillement, dit-il. Moi-même, je prends la ligne de 7, et vous voyez que je compte déjeuner d'une façon confortable. » Marthe ne broncha pas. Elle continua de casser son pain et de le mettre dans sa tasse. Malheureusement, pour porter la cuillère à sa bouche, elle était obligée de relever la tête, et alors elle voyait les yeux brillants du sous-lieutenant qui la brûlait. « Après ça, ce n'est peut-être pas à Sète que vous allez ?»« À Bordeaux, alors ?»« Effectivement, il me semble que j'ai l'honneur de vous rencontrer à Bordeaux. » Il ne manquait plus que cette complication. Ce militaire la reconnaissait. Qu'allait-elle dire ? « Est-ce que je me trompe ? » dit-il. Malgré sa ferme volonté de ne pas donner signe de vie, Marthe crut qu'il valait mieux répondre. « Vous vous trompez, monsieur. »« Alors, si ce n'est pas à Bordeaux, c'est ailleurs. À Arcachon, peut-être. À Biarritz. Car, bien certainement, j'ai eu l'avantage de me rencontrer avec vous. » Quand on a eu le plaisir de voir une seule fois une personne aussi charmante, on ne l'oublie pas. Marthe s'était levée. Sans se retourner, elle sortit du buffet pour entrer dans la salle d'attente. Elle y était depuis 10 minutes à peine quand le sous-lieutenant vint la rejoindre. Au lieu de reprendre la place qu'il occupait tout d'abord, il vint directement à elle. « Je vois que vous prenez la ligne de 7. Permettez-moi de me mettre à votre disposition. Une femme qui voyage seule est exposée à 1000 ennuis, à des embarras de toutes sortes. Je serais heureux de vous venir en aide. » Si vous voulez bien le permettre. » C'était trop. Marthe ne put pas se renfermer dans le silence, et une fois encore, elle voulut faire tête au danger. « Oui, monsieur, » dit-elle vivement, en tenant ses yeux sur lui, « une femme qui voyage seule est exposée à 1000 ennuis. Mais puisque vous connaissez les embarras de cette position, n'aggravez pas les miens, je vous en prie. Me poursuivre comme vous le faites est mal. Cela est indigne d'un homme délicat. Vous n'avez donc pas de mère, monsieur, pas de sœur ?» Elle débita ce petit discours avec une telle véhémence que, malgré son assurance, le sous-lieutenant resta un moment interloqué. Mais il n'était point homme à se laisser battre ainsi. Heureusement pour Marthe, un train venait d'arriver en gare et quelques personnes, au nombre desquelles se trouvaient deux dames, entrèrent dans la salle d'attente. Enfin, le train de Bordeaux arriva, et Marthe courut au compartiment réservé aux dames seules. Elle était sauvée. Il est vrai qu'à chaque station, le train s'arrêta, à Valence, à Montauban, à Grisolles. Elle eut l'ennui de voir le sous-lieutenant passer devant sa voiture, mais c'était là un petit inconvénient. Elle était protégée par la petite plaque de cuivre accrochée à la portière, aussi bien qu'elle lui était par une solide grille en fer. Il pouvait passer, repasser sur le quai en cambrant sa taille dans sa veste bleue et en faisant des yeux passionnés, il ne pouvait pas entrer. Mais à Toulouse, elle perdit de son assurance. Dans la salle, où on la fit entrer pour attendre le train de Montregeau, elle vit arriver sur ses talons le hussard, toujours souriant. « Vous n'allez pas à 7, » dit-il en s'avançant vers elle. « Décidément, le ciel veut que nous fassions route ensemble. » C'était à désespérer. Marthe alla au buffet. Il la suivit. Elle revint à la salle d'attente. Il la suivit encore. Elle était comme un oiseau que chassa Milan. Il commença à perdre la tête. L'inquiétude, la honte surtout, lui donnait la fièvre. Elle n'avait pas imaginé qu'on pouvait être exposé à un pareil supplice. Une fois encore, le compartiment réservé la délivra de son persécuteur jusqu'à Montregeau. Là, elle le retrouva toujours fidèle, toujours souriant. Mais ce n'était pas le seul ennui qui l'attendait. Il était trop tard pour continuer sa route. Il n'y avait plus de diligence pour Tarbes ou pour Bagnères. Il fallait coucher à Montregeau. Ce voyage ne finirait donc jamais. C'était une nouvelle nuit à passer à l'hôtel avec cet officier pour voisin, sans doute. Cette crainte se réalisa. Marthe était à peine enfermée dans sa chambre qu'elle entendit le sous-lieutenant s'installer dans la chambre voisine. Il paraissait joyeux et il chantait à mi-voix. Marthe passa l'inspection de sa chambre. Il n'y avait pas de communication avec la chambre voisine et la porte était garnie d'un solide verrou. Rassurée de ce côté, elle voulut pousser les précautions plus loin et, descendant doucement, elle alla au bureau des voitures où elle avait retenu une place de coupé pour le lendemain matin. « Est-ce que vous avez encore des places ?» dit-elle au buraliste. « Je voudrais tout le couper. »« C'est impossible. À peine y étiez-vous sorti que les deux places qui restaient ont été prises. Par qui, s'il vous plaît ? Par un officier de hussard. » Ainsi fixée dans ses craintes, Marthe voulut essayer de déjouer cette combinaison, et le hasard, qui depuis Agen la persécutait, lui vint enfin en aide. Comme elle sortait du bureau des diligences, un cocher lui offrit une voiture pour Tarbes. Bien que Marthe eût de la répugnance à essayer encore des voitures particulières, ce cocher avait une bonne figure honnête qui la décida. L'officier allait à Bagnères, elle irait à Tarbes. Elle serait bien décidément débarrassée de lui. Cependant, pour plus de précautions, elle voulut partir le lendemain matin avant la diligence. Tout étant ainsi disposé, elle remonta dans sa chambre où elle se barricada. Pendant toute la soirée, elle entendit l'officier aller et venir en faisant sonner ses éperons dans le corridor. Mais elle ne s'en inquiéta pas autrement. La porte était solide, et d'ailleurs elle passa la nuit, comme elle avait passé la précédente, sur un fauteuil. Seulement, cette fois, elle eut soin de ne pas brûler ses deux bougies en même temps. Quand l'une fut près de finir, elle alluma l'autre. Le lendemain matin, elle sortit de sa chambre sans faire le moindre bruit. Il monta dans sa calèche, sans apercevoir la terrible veste bleue qui l'avait tant tourmentée. Mais en passant devant le bureau des diligences, elle vit le sous-lieutenant qui se promenait en long en large, en l'attendant. Quand il l'aperçut dans sa calèche, emporté rapidement par ses quatre chevaux, il resta stupéfié, dans une attitude si grotesque que Marthe ne put pas s'empêcher de rire. À 10 heures, elle était à Tarbes, à 3 heures à Montsant, à 6 heures du soir, au hameau de la Cutive, où habitait son grand-père, à une lieue de Gabas. « Marthe, c'est demoiselle Marthe !» s'écria la vieille servante en la voyant entrer. « En voilà un bonheur !»« Et grand-père, où est-il, Jeannette ?»« À Gabas, à la justice. Il va revenir avant peu de temps. »« Eh bien, je vais au-devant de lui, par la Pinède, et après toujours le chemin d'autrefois. »